Merci beaucoup. Je vais effectivement vous parler d'un sujet qui en soi est un sujet de détail. On sait que c'est là que se trouve le diable, bien entendu, mais surtout, il me semble que ce détail-là est assez révélateur à la fois des défauts de la loi et du fonctionnement d'une machine parlementaire et ministérielle dont nous souffrons actuellement. Le caractère minuscule du sujet que je vais traiter m'apparaît d'autant plus ce matin où le hasard des calendriers veut que nous parlions après le vote nauséabond d'hier, qui, je crois, replace nos questions universitaires dans un contexte beaucoup plus grave, beaucoup plus large. Mais il me semble, pour en revenir à mon sujet précis, que le mépris dans lequel on tient parfois à la fois les agents du service public, les personnes de terrain, je dirais, de manière générale, pour parler comme le ministère, et dans un certain sens, la représentation nationale n'est pas complètement étrangère à ce qu'il arrive aujourd'hui à notre pays. Alors, j'en arrive à notre cavalier. Je vais faire... Alors, j'ai produit, on ne se refait pas quand on est enseignant-chercheur, un papier beaucoup plus long sur cette question que je diffuserai par nos canaux habituels, comme on dit en Corse, et je vais simplement donner quelques indications pour alimenter le débat que nous aurons peut-être tout à l'heure, en rappelant peut-être les différents événements parlementaires qui ont eu lieu et que tout le monde n'a peut-être pas en tête. Le 13 novembre dernier, le gouvernement dépose un projet de loi sur l'agriculture. C'est le ministre Stéphane Le Foll qui le dépose à l'Assemblée. Les commissions se mettent au travail, en particulier la commission des affaires économiques, qui est, entre autres, chargée des questions agricoles. Cet article, évidemment, ne concerne pas l'université. Il y a toutefois un article 27 qui concerne la création d'un institut agronomique et vétérinaire de France qui regroupe sur un modèle qui ressemble étrangement aux COMU tous les établissements d'enseignement supérieur agricole publics. Et c'est ce qui a justifié les ajouts que nous verrons tout à l'heure. Donc les commissions commencent à travailler, et en particulier les députés du groupe écologiste déposent un amendement pour porter la représentation des personnels dans cet institut agronomique de 20%, c'est ce qui est prévu dans le texte, à 50%. Et ils argumentent en disant que ce serait la même réglementation que dans les communes, que ce qui est prévu pour les communes universitaires. Cet amendement commence à être discuté et je suppose que c'est à ce moment-là qu'on se rapproche du ministère de l'Enseignement supérieur, et c'est peut-être comme ça que le ministère de l'Enseignement supérieur a eu l'idée de déposer, donc le 3 janvier, un amendement. Alors cet amendement, on va jeter un coup d'œil sur le texte parce que c'est le fameux cavalier dont je vais vous parler maintenant qui est formulé de la manière suivante. Il y a trois petits articles dans cet amendement qui propose de modifier le code de l'éducation avec donc une première série de modifications qui concernent des références à différents chapitres de ce code de l'éducation. Des suppressions de phrases dans un alinéa de l'article 718.11 et puis un complément dans l'article 718.12. Il y a également un exposé des motifs qui, en gros, on va y revenir, explique que cet amendement est nécessaire parce que la règle qui est dans la loi du 22 juillet qui crée les communes et qui indique que lorsqu'on présente des listes au conseil d'administration de cette commune, ces listes doivent représenter 75% des établissements membres de la commune. Le ministère explique donc dans les exposés des motifs que ça rend la commune impossible et qu'en particulier ça crée des CA pléthoriques qui ne peuvent plus fonctionner. De la même manière, les motifs expliquent qu'il est impossible d'organiser un scrutin direct dans tous les cas, et en particulier quand il y a un grand nombre de membres dans la commune. Donc cet amendement est déposé, il est examiné à son tour par les commissions. Certains parlementaires réagissent immédiatement et voient qu'il s'agit d'un cavalier. Alors, l'expression cavalier, je ne sais pas si tout le monde est familier, ça fait partie de l'argot parlementaire. Ce qu'on appelle un cavalier, c'est un terme péjoratif, hein, ça désigne donc une partie de texte que l'on introduit plus ou moins subrepticement dans un ensemble législatif qui n'a rien à voir a priori avec la question qui est traitée. C'est une pratique qui est explicitement condamnée par la Constitution dans son article 45. Et donc, c'est, par exemple, les cavaliers en matière budgétaire sont systématiquement cassés par le Conseil constitutionnel. Hein, donc, c'est une pratique qu'on essaye d'éviter. Et le ministère, dans ce cas-là, le gouvernement, doit avoir à cœur de justifier l'introduction de ce texte-là. Des parlementaires réagissent très rapidement. Lors des commissions, en indiquant qu'il s'agit d'un cavalier et en proposant des amendements qui consistent simplement à supprimer cet article 27 bis qui devrait être créé pour répondre à l'alinéa du gouvernement. C'est écarté en commission, donc la commission maintient l'article 27 bis, ce qui fait qu'au terme de la première lecture à l'Assemblée, le 14 janvier, le texte est transmis au Sénat pour une première lecture avec un article 27 bis qui reprend donc très exactement l'amendement proposé par le gouvernement. Ça arrive donc au Sénat, même procédure. Cette fois-ci, c'est la rapporteure, Brigitte Gauthier-Morin, la rapporteure pour la Commission des affaires culturelles, qui alerte ses collègues sur le fait qu'il s'agit d'un cavalier visant à remplacer des mesures que le Sénat lui-même avait proposées. C'est-à-dire que dans la loi du 22 juillet, on a eu souvent l'occasion d'en parler, ce sont des sénatrices, d'ailleurs plus précisément, qui ont introduit toutes ces mesures, comme l'association dont on parlera beaucoup aujourd'hui, mais également cette règle des 75% de représentation des établissements de la commune. Donc la commission des affaires culturelles, qui est celle qui est compétente en matière d'enseignement supérieur, s'en aperçoit très vite, et Madame Brigitte Gauthier-Morin signale à ses collègues de la commission des affaires économiques qui examinent cette loi qui, encore une fois, porte sur l'agriculture, que tous ces amendements devraient être retoqués. On a affaire au même mécanisme parlementaire que ce qu'on a pu voir à l'Assemblée, c'est-à-dire que la majorité socialiste reproduit à la lettre, vous le verrez dans les débats si vous y jetez un coup d'œil, reproduit à la lettre les arguments du ministère, sans visiblement y comprendre grand-chose, et indique que les communes ne pouvant pas fonctionner avec la loi telle qu'elle est écrite, il faut absolument faire cette correction. On a quelque chose d'un petit peu plus détaillé le 19 février avec le rapport qui est proposé. Alors, je vais vous en montrer un extrait. Voilà un exemple des débats que vous avez ici qui demandent le retrait. Ce débat oppose l'efficacité à la représentativité. L'article 27 bis prévoit de supprimer la condition de représentation de 75% de ses membres au conseil d'administration afin d'éviter leur blocage. Les travaux d'application de la loi et le travail avec les présidents d'université et de Q, ils disent Q, donc ils sont pareils, démontrent le caractère quasiment inapplicable de la clause des 75% des membres. Retrait ou défavorable ? Retrait ou défavorable, il s'agit donc de retirer l'intervention des sénatrices de la Commission des affaires culturelles qui demande à ce que l'amendement cavalier du gouvernement ne soit pas retenu dans le texte. Alors, ce texte, je le cite un peu plus précisément parce que vous voyez bien d'où viennent les remarques. Ce sont les présidents d'université et de Q. C'est-à-dire que le gouvernement ne s'est fait en quelque sorte que l'intermédiaire d'un lobby puissant, qui est celui de la conférence des présidents d'université. Plusieurs d'entre vous ont dû voir passer ce mail de M. Salzmann, qui, en gros, s'adresse à ses collègues de la CPU en disant que grâce au lobbying de la CPU, un amendement a été proposé par le gouvernement. Vous voyez que les travaux parlementaires le confirment. Ce sont les présidents qui ont fait cette remarque que le ministère a transmise. Dans le rapport, on trouve un argument d'autorité différent, disant que les simulations ont abouti au résultat suivant. Pour une communauté de 10 membres, il faudrait 32 membres élus et donc au moins 64 membres pour le conseil d'administration. Pour une communauté comme celle de Saclay, qui comportera 22 membres, il faudrait 68 élus au moins et donc un conseil d'administration au moins égal à 140, ce qui n'est absolument pas opérationnel, sachant qu'il regroupe aujourd'hui 30 personnes seulement. Voilà à peu près le type d'argument que l'on a servi à la représentation nationale. Sur cette base-là, je vais être assez rapide. Encore une fois, si ces détails vous intéressent, vous irez voir ce qu'il en est. Lisez en particulier le compte-rendu de la séance au Sénat, qui est assez exceptionnel. Vous avez là tous les ingrédients, c'est-à-dire quelques sénatrices qui connaissent leur sujet, dont Mme Blandin, qui a demandé le retrait de cette mesure, et en face, un rapporteur, qui est le rapporteur d'une loi sur l'agriculture et qui visiblement ne sait absolument pas de quoi il parle, un ministre qui le sait encore moins et qui lit ses fiches avec ce que lui a transmis sa collègue de l'enseignement supérieur. Et on a même un comique au milieu, un sénateur qui fait une déclaration qui n'a strictement rien à voir avec le sujet pour faire valoir que dans son groupe, il y a une de ses collègues qui est très au courant des questions d'éducation. Enfin, voilà, c'est un grand moment de parlementaire, au terme duquel, évidemment, les électeurs presse-boutons du parti majoritaire refusent donc tous les amendements qui ont été proposés, ce qui fait que l'article 27 bis est transmis aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui doit l'examiner en seconde lecture. Donc on attend la suite, mais vu le début des débats, je crois qu'il n'y a guère d'illusions à se faire, à moins que les parlementaires, pour des raisons qu'on va peut-être énumérer aujourd'hui, soient alertés sur les risques de cette pratique. Je voudrais revenir également, en m'excusant d'être un peu rapide, surtout sur le fond de cet amendement et surtout sur les trois modifications qu'il introduit, parce qu'il y a là des choses à souligner, me semble-t-il. D'abord, cette histoire des 75%. Faire un peu d'arithmétique simple, rassurez-vous, je suis spécialiste de littérature française. La règle des 75% implique effectivement des CA pléthoriques. Alors, pour quelle raison ? Il faut revenir, je crois, à la composition fixée pour les communes pour bien comprendre ce qui se joue. Dans la loi, il y a trois types de collèges, il y a six collèges, à vrai dire, hein, mais il y a trois catégories dont la proportion est fixée par la loi. La première catégorie, ce sont les représentants des établissements membres. Il faut qu'ils représentent au moins 10% du CA. Ensuite, il y a une autre catégorie, ce sont les personnalités extérieures, en réalité en deux sous-catégories, hein, celles qui sont nommées par le CA normalement, et puis celles qui sont désignées par des collectivités locales, des entreprises, ainsi de suite, qui doivent représenter au moins 30% du CA. Et puis il y a tous les autres, les personnels, biatos et enseignants-chercheurs, et les étudiants. Des mauvais esprits diraient que c'est eux qui sont les établissements, mais la loi leur garantit qu'ils doivent représenter au moins 50% de ce conseil d'administration. Si vous faites l'addition, vous apercevez qu'on arrive à 90%, c'est-à-dire qu'en gros, la loi, en donnant les minima garantis de chacun des conseils, fixe à peu près la composition du conseil d'administration. Le problème des 75%, il vient de la dernière catégorie, les personnels et les usagers. C'est-à-dire que si les listes présentées doivent représenter 75% des établissements, ça veut dire que, par exemple, s'il y a 10 membres dans la commune, pour que 75% de ces membres soient représentés, il faut qu'il y ait au moins 8 sièges, donc 8 candidats dans chacune des listes. S'il y a 8 candidats, fatalement, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins 8 sièges pour ce collège. Donc il faut qu'il y ait par exemple 8 sièges pour le collège des Biatos, 8 sièges pour le collège des étudiants, et les enseignants, eux, toujours, c'est toujours fixé par la loi, doivent représenter au moins la moitié, enfin doivent représenter au moins le même nombre que les Biatos plus les étudiants. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins 16 enseignants-chercheurs, faites l'addition, il faudra qu'il y ait au moins 32 membres dans les collèges 4, 5 et 6 de cette commune. Si on applique ça aux autres collèges, on s'aperçoit très rapidement que pour 10 membres, donc, on va avoir un CA qui ne peut pas descendre en dessous de 55 représentants, 55 représentants pour 10 membres seulement. Or, cette limite de 10 membres est très importante parce que la loi fixe également qu'au-delà de 10 membres, donc à partir de 11 membres, il y a des licences qui sont très intéressantes pour nos chefs d'établissement, c'est-à-dire d'abord que le collège numéro 1 peut aller jusqu'à 40% du CA et qu'en contrepartie, tous les autres collèges sont diminués proportionnellement. C'est-à-dire que, par exemple, les 50% de représentants des personnels et usagers peut descendre jusqu'à des chiffres beaucoup moins importants. Alors, évidemment, c'est quelque chose d'intéressant. C'est pour ça qu'on l'a déjà signalé la dernière fois. Dans toutes les communes, il y a une inflation du nombre de membres. On y fait venir tous les copains, quoi, si je peux dire, et en particulier les organismes de recherche de toutes petites écoles. Jean-Louis Fournel l'avait signalé pour la commune qu'il préoccupe. Tout ça pour cette raison-là, c'est-à-dire qu'il s'agit absolument de passer la barre des 10 membres. C'est ce qui arrive chez nous à Sorbonne Paris Cité. 8 membres fondateurs, on se retrouve avec 13 membres dans les projets de statut parce qu'on a fait entrer le CNRS, l'INSERM, etc. Mais il est évident que lorsqu'on joue à ça, pour les raisons que je viens de vous dire, on arrive à des chiffres catastrophiques. J'ai fait regarder un petit tableau qui montre ce que donnent à peu près les effectifs. Vous voyez que pour 10, on en est à un CA minimum de 55, mais si on monte à 14, 15, on arrive à des CA de 80, 90 membres, et puis ça monte allègrement. Si on est à 22, comme apparemment il est question de le faire à Saclay, on montre à des chiffres qui d'ailleurs ne sont pas ceux qui sont cités dans la soi-disant expertise du ministère. Ils se sont plantés sur leurs chiffres. Mais bon, passons, ça aussi, on commence à avoir l'habitude de ce genre de choses. Mais donc, pour résumer, la motivation de l'amendement est exacte. Mais sur quoi elle met le doigt? Elle met le doigt sur le fait qu'une commune ne peut pas assurer la représentation équitable des établissements, des catégories, des disciplines, etc. Donc, le ministère essaye de mettre un patch sur une loi qui, de toute façon, au départ, n'est pas démocratique. Les parlementaires, tout au moins ceux qui jouent leur rôle, essayent quand même de tirer du côté de la démocratie et de la représentativité, mais c'est incompatible. Et je crois que c'est ça le principal enseignement de l'examen de ce cavalier, c'est que les statuts d'une commune sont incompatibles avec la représentation équitable des personnels et des étudiants qui la composent. Alors, je suppose que la procédure parlementaire va arriver jusqu'au bout et qu'on va faire sauter cette règle des 75%. On va faire sauter également, c'est l'objet également du cavalier, la règle qui prévalait encore pour le conseil académique. Le conseil académique les passionne beaucoup moins parce qu'il a une voix délibérative, il a une voix consultative simplement, et donc ça ne gêne personne qu'il ait 100 ou 130 membres, comme on le voit déjà dans certains projets de statut. En plus, ça le rend impossible à faire fonctionner et tout le monde s'en félicite, j'imagine. Mais on a quand même rajouté une mesure qui fait qu'on n'a plus à organiser un scrutin direct. Alors, encore un mot sur le cavalier pour dire que je crois avoir repéré là aussi qu'il y a une incohérence dans l'amendement tel qu'il a été proposé. Alors, je ne sais pas qui il faut blâmer de ces différentes incohérences, erreurs, si c'est le ministère. Je suppose que, comme dans tous les ministères, il y a des gens qui travaillent correctement, mais que les différents filtres finissent par modifier. Regardez la rédaction actuelle de l'article qui est supposé être modifié. Donc, c'est l'article 718.7 qui règle le fonctionnement du conseil d'administration des communes. Si on applique ce qui est dit dans l'amendement, on devrait faire sauter les phrases qui sont ici en gras. Je ne sais pas si c'est très lisible, le gras. Pardon, non, excusez-moi. En plus, je ne suis pas sur le bon passage. Je vais remonter. J'aurais dû préparer des pauvres points, comme on fait dans ces cas-là, mais je n'ai pas eu le temps. Voilà, pardon, c'est celui-ci. Hein, c'est l'article 718.11 qui doit être modifié. Donc les phrases qui sont en gras ici sont celles qui devraient être supprimées. Donc il y a une phrase qui dit que les modalités de ces élections sont décrites à l'article L719.1, qui est supprimé. Alors, un mot sur cet article-là, ça procède toujours par référence et c'est très difficilement lisible, ces textes-là. Je lis d'habitude des textes beaucoup plus agréables et beaucoup plus lisibles, enfin pour moi au moins. Donc cet article 719, c'est l'ensemble de toutes les règles électorales communes à tous les conseils universitaires. Et ça indique, par exemple, qu'il doit y avoir la parité homme-femme, ça indique que ça se fait à scrutin secret, à scrutin direct, justement, etc. C'est-à-dire, ce sont toutes les garanties. Donc, on les fait sauter, c'est-à-dire que l'élection au CA de la commu devient dérogatoire, alors même que la commu est un EPCS-CP. Et ensuite, on supprime la dernière phrase, la fameuse phrase sur les 75%. Dans tous les cas, chaque liste de candidats assure la représentation d'au moins 75% des établissements membres de la communauté. Voilà, c'est tout ce qui est modifié. Et malgré tout, le ministère s'imagine, on le voit dans l'exposé des motifs, qu'il a fait en sorte qu'on puisse, dans tous les cas, désigner le CA au scrutin indirect. Si je lis bien, et je crois l'avoir fait plusieurs fois, et je l'ai échangé avec certains collègues, ils n'ont pas changé la mesure qui, vous le voyez, figure toujours dans l'article, disant que les membres mentionnés au 4 à 6 sont élus au suffrage direct dans des conditions fixées par les statuts. Il y a évidemment après une mention qui dit que lorsqu'il y a plus de 10 membres, le scrutin peut être indirect, mais en dessous de 10 membres, le scrutin est toujours direct d'après la loi. Donc est-ce que c'est une bourde? Est-ce qu'ils n'ont pas modifié les bonnes phrases est-ce qu'ils estiment que de toute façon, toutes les communes se sont débrouillées pour avoir plus de 10 membres? Difficile à dire, mais voilà. Autre exemple de l'incompétence de certains que je n'arrive pas à identifier, c'est la première partie de l'amendement qui consiste à changer la référence à des articles. Alors, vous avez ici le résultat de l'amendement. Toujours pareil, la partie en gras devrait être modifiée. On s'aperçoit en lisant d'un peu près que la rédaction de la loi du 22 juillet dans cet article est totalement incohérente. C'est-à-dire que c'est absolument incompréhensible. On ne se réfère pas à la bonne hiérarchie des livres de loi, hein, partie, livre, titre, chapitre, article. C'est-à-dire que cette référence-là à des chapitres du Code de l'éducation était tout simplement inutilisable. Alors pourquoi ont-ils éprouvé le besoin? Alors peut-être que quelqu'un a relu, ça doit arriver quand même au ministère, ces références. Je crois qu'ils l'ont fait parce que un des articles auxquels on se réfère, enfin un des articles dans un des chapitres auxquels on se réfère, est un article auquel je crois qu'il faut prendre, qu'il faut faire attention. C'est cet article 711.4 qui permet aux établissements nouvellement créés, donc ce sera le cas des communes, de bénéficier d'un régime dérogatoire pendant 5 ans. Et un régime dérogatoire qui semble assez inquiétant, puisqu'ils peuvent déroger à tous les articles dont vous voyez ici la liste. Et en particulier, ce sont des articles qui concernent la gouvernance, les composantes de l'université, les services communs, les instituts et écoles, etc., etc. C'est-à-dire que ce serait un EPCS-CP, mais bénéficiant de statuts dérogatoires assez profonds. Voilà, je vais m'arrêter là. Je suis assez conscient d'avoir cavalé, pour utiliser ce terme qui convient bien dans ce cas-là, mais je suis prêt, dans le temps qui nous reste, à répondre à des questions plus précises. Et encore une fois, je diffuserai une analyse un peu plus détaillée. Il y a un point concernant les représentants des établissements qui sont donc au premièrement de la liste des 6 types, des 6 collèges qui composent le conseil d'administration. Or, Et ça n'apparaît nulle part dans les débats, dans les questions qui ont été posées au Parlement. L'article L718-11 dispose entre autres que cette représentation des établissements, au premièrement, est facultative. En effet, je cite le texte, lorsque les statuts prévoient la présence de membres mentionnés au premièrement dans le CA, ces membres représentent au moins 10% des membres du CA. Mais c'est lorsque les statuts le prévoient, donc cette représentation est bien entendu facultative. Et cette option, évidemment, n'est prévue nulle part dans les objections de la CPU, qui entend, bien entendu, que les membres en question soient représentés au conseil d'administration. Or, rien n'empêche, justement, d'oblitérer cette représentation du premièrement, quitte à mettre en deuxièmement, parmi les personnes qualifiées, des représentants des membres. C'est d'autant moins grave, si on peut dire, qu'il ne faut pas se faire d'illusions. L'essentiel du pouvoir dans les communes résidera dans le Conseil des membres. Vous avez tout à fait raison de pointer. De toute façon, la question de la représentation dans le CA de la commune est vraiment très intéressante si on y prend garde, parce que si la loi précisait ça, c'est qu'on s'était imaginé, grâce à la règle des 75%, que tous les établissements pourraient être représentés, au moins à travers leur personnel et leurs étudiants. Mais ce ne sera pas le cas, très certainement. Et il ne s'agit que de 10%, les représentants des établissements membres. D'autre part, dans la plupart des statuts de commune actuellement, vous avez vu qu'il y a deux types de membres, parce qu'on a fait venir beaucoup de monde pour passer au-delà de la limite des 10, mais il y a évidemment des statuts de membres très différents. Il y a des membres qui sont représentés dans le CA, et puis d'autres qui sont représentés de manière tournante ou de manière décidée par le Conseil des membres, etc. Enfin, vous avez toutes sortes de... Il y a donc deux catégories de membres, évidemment. Il y a ceux qui sont là pour faire nombre, et il y a ceux qui sont là parce qu'ils représentent véritablement des établissements importants de la commune. Mais vous avez raison, c'est mentionné dans l'article, c'est-à-dire qu'il pourrait ne pas y avoir de représentants des établissements. Ça n'est venu effectivement à l'esprit de personne.